Comment veux-tu que je t'oublie? J'ai toujours ton collier sur moi, que je caresse chaque nuit. Mais je voudrais que ce soit toi. Comment veux-tu que je t'oublie? Tous mes amis parlent de toi. Ça me donne encore plus envie de t'avoir ce soir près de moi. J'espère te voir paraître. Et comme je t'aime toujours plus fort depuis que tu es parti, je ne peux croire encore que c'est fini. Comment veux-tu que je t'oublie? Dans mes rêves il n'y a que toi. Tu n'es plus là. Comment veux-tu que je t'oublie? De ma vie je t'ai tout donné, mais je me retrouve aujourd'hui les mains vides d'avoir trop aimé.